mets mes péchés de côté pour mieux te rassurer. N'aie pas peur de craindre, tu sais, je ne vais pas te manger. Ne tente pas de t'enfuir, tu sais que ce sera pire. Combien de fois j'ai entendu ces mots sortir de ta bouche. Ça ne collait pas, je me disais bien qu'il y avait un truc louche. Tellement fêlé que j'aurais dû m'échapper. Mais tu m'as tué le premier. Oh, tu ne m'as pas prévenu. Je suis tombé dans ce gouffre perdu. Et tu m'as poussé alors que j'avais le dos tourné. J'ai si peur de l'inconnu. Tu m'as laissé te perdre de vue. T'avais pourtant le choix. J'ai chuté, je me retrouve ainsi comme une bête blessée. Dans un endroit où on m'y a lâchement abandonné. Ne tente pas de t'enfuir, tu sais tu vas mourir. Reste à savoir combien de temps il me reste à vivre dans ce trou. Tout me paraît fou, je crois bien j'agis déjà comme un fou. Tellement fêlé que je voudrais m'échapper. Mais il est trop tard pour espérer. Oh, tu ne m'as pas prévenu. Je suis tombé dans ce gouffre perdu. Et tu m'as poussé alors que j'avais le dos tourné. J'ai si peur de l'inconnu. Tu m'as laissé te perdre de vue. T'avais pourtant le choix. C'est elle. Alors je déploie mes grandes ailes. Ça y est, je vois la lumière. Elle est là-bas.